got to pay and I the continent got to wind away and I every hour I work very bad Something new was amazing. I don't why I can't do more. Man, one day, don't know what I can do. More. Don't know what I couldn't. Yeah. I don't find the end. Whoa. I don't know how I want it. I follow you. Sorry. If it's like this, I'm gonna make one of my choices about something totally random and totally fun we don't know about. It's gonna play right now. I'm sorry. So it's F. Not yet, quite. Okay, it's gonna be this. Yeah. La suite du consentement. C'est sur le wing. De solide extraction. Lancé de toute façon. Ok. Plus vraiment le choix. Ma trajectoire. Sur des rails. Bon sang. Après. Seule chance, c'est la zone du dehors. even when I sleep, I just walk on the border. Even when I sleep, I just walk on the border. Won't you appear, sister, sister? Sister, won't you appear? Give you all my love. I'll give you all my soul again. Won't you appear? Give you all my love. Give you all my soul. On my knee, I'm gonna pray once more. Yeah. Won't you? For the salvation. Maybe my redemption, I'm feeling going now. S'entendre sur comme les ombres tombent sans le nombre de jours qui jonchent le sol d'octobre. Qui est cet homme? Il serait temps de s'entendre. C'est patient. tombe des cieux. Fait jour comme les voitures. Comme il est lourd, loin le ciel. Propice au désespoir. Tous les mois de l'année, alors faut pas en stigmatiser un. À mon avis, à mon humble, tous les mois de la saison. Y'a pas que la récolte des fruits dans l'année, tu sais. Y'a des semis que t'as mis le temps à préparer. Y'a tout le désherbage, y'a tout le déterrement, y'a tout l'engraissage, y'a tout le traitement. Pourtant, c'est pas la saison qui compte, c'est pas le même temps. Travail pourtant. Moi dans ma société réveille, y'aurait que des métayers, y'aurait que des forestiers, y'aurait que des maraîchers, tu sais, y'aurait que des sylviculteurs, y'aurait que des gens qui passeraient leur temps à faire pousser, on en saurait qu'il vaut. Si au poids des tomates que tu fais pousser, on saurait tu es, comment tu sais t'harmoniser au nombre de poules que tu sauras garder dans la société que je rêve. Y'a comme Adam et Ève dans ma société rêvée, adorée. Y'a tous les agriculteurs, tu sais, y'a les appuyés, qu'on va se battre de la pire à piller, des à piller à piller, qui font pousser aussi le blé pour la binette et pour le pain, pour tout ce que tu voudrais, pour tout ce que tu fais. Y'aurait aussi Polkadot, jamais trop loin, avec sa basse, près de l'autre main. Après avoir planté, après avoir repiqué, je la vois bien saisir du manche et d'envoyer la purée, tu sais, pour aller faire danser tous ces métayers, tous ces afro-maraîchers, tous ces bûcherons. Tous ceux qui auront encore la wache pour aller dodeliner de la tête et des bras. Tu pourrais aller montrer tout ça pour faire danser les, pour faire danser le roi dans le canton qui fait canton, canton, canton. Dans le canton si t'es maton, dans le canton si t'es marron, reste plus qu'à bouger, allez. Allez te réfugier dans l'autre ferme d'à côté, là où on connaît aucun des méfaits. Réseaux sociaux, reste assisé. Il faut le temps pour pouvoir se rencontrer pour le vrai. Si t'es à 1000 km, si t'es ton maître, t'es le temps d'appeler. Oh non, non, mais c'est loca. J'ai envie de te parler, pouvoir te postillonner, te bousculer. Mais c'est pas vrai, Laura. Et bientôt tout ça s'arrêtera, l'orage est là. Si tu voyais l'orage sur la montagne, les éclairs, le vent, la pluie, la forêt brassée, la puissance des éléments. Moi, tout petit, toi, loin, vous, éthéré. Dépendant du network. Moi tout petit, je suis ravi quand j'ai un semi. Oh, oh, oh. Là, je suis tout petit, je suis ravi quand la petite maman. Pas quand elle me ment. Quand elle me ment, pas quand elle me nourrit. Quand elle me montre comment, comment être en accord. Parmi les éléments, même mon caca, il va pas là où il doit. Comment être d'accord avec le cycle de sa partie. Je ne suis qu'un modeste animal rampant, même pas volant. Mais pensant, vivant et le sachant. Yes. You are alive, you are alive, you are alive. And you know it. Oh. If you see the storm. Merci. In my garden. Oh. Un autre. And you know it. Once. Vous entendez pas à cause du cardioïde? Oh. Ouais. Another one. It's gonna blow here. Ah là là, c'est la catastrophe. Alors, pas grand monde participe, mais apparemment, il y a quand même un crazy stuff. Une petite liste. Yeah. Polkadot, I love you. Yeah. My friend, don't wanna be you. Flash in the sky on the mountain. Mountains will never surrender. Mountains in the sky will never surrender. Ça flash. Des masses d'air chaude rencontrent le froid des montagnes. Tous les jours depuis 2 mois, ça fait des orages plus ou moins violents. Le changement climatique, on le sait, on le sent. Même phénomène, en plus violent. Je suis petit. Un petit humain qui a fabriqué un petit abri. Basé sur un système fragile, un petit abri, I need a shelter, just a little human, suffit. That made a little shelter for his life. I know it's weak, suffirait, will show us. On serait plus de choses. I know it's weak. Suffirait, and the time suffirait, will show us. De choses. The time will show. Que mon frigo s'arrête. I know the time will show. Que le cargo s'arrête. It's show. Que les baleines puissent croiser. Que Golfech s'arrête. Suffirait de peu de choses. Seconde. Il suffirait d'un signe. Que tous on s'arrête. Pour que certains une seconde croient des trucs complètement débiles. Un. We are feeling IA. Antiquité. Respect pour le passé, mais il suffirait de peu de choses. Pour que cette protection, ce confort, ce système qui me fait tant mal. Je veux plus, mais ce système qui m'a vu naître, ce système imbriqué de relations affectives. Système, relation, domination, système d'interdépendance. I may have my chosen and the gift, mama never chosen and the debt. Your mind says, I am driving over, that roving over, driving down. Human resources, human, you're the one. Yeah. Gonna kill us all, but yeah, is we there are a place for you and me and your child. About to share, about to cooperate, about to love. Stormy weather. Thanks. Let's try something new. It was in A, so it wasn't so crazy. D'où l'intérêt. It's a beautiful day. Quand même, malgré tout, la difficulté d'être humain, anthropologique, way of life, it's difficult. Oh. Oh. all over. Alors je ne sais pas ce que ça va être. G minor. Is that a good start? No one would play with me anymore.